Moi, c'est drôle, je me reconnais avec le résultat électoral qu'on a eu lundi. Je me reconnais avec ce qu'on pense, ce qu'on vit et ce qu'on fait de façon générale. Mais je me reconnais pas, moi, dans du monde qui vote Macacoto. Je me reconnais pas, moi, dans du monde qui vote Sylvain Gaudreau. Je ferais pas comme Marc Laviolette. Je traiterais pas le monde de non. Je suis pas un imbécile. Et Yves-François Blanchette, tu te reconnais-tu dans lui? Non. Puis, tu sais... Martine Ouellette. Il y a du monde qui vote pour Amir Kadir. Je me reconnais pas, moi, là-dedans. C'est pas ma réalité, c'est pas ma vie, c'est pas le monde autour de moi. Amir Kadir, pour moi, est un clown, est un humoriste plus drôle que Mario Jean. C'est ça, mais regarde... Il est gratis, en plus. Regarde, moi, te pose la question, t'es ouvert à ça, toi. Un Pierre-Carl Péladeau qui arrive pis qui dit, moi, fais le ménage dans l'État, moi. Puis dans 10-12 ans, on reparlera peut-être de séparation. Tu te